Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leaves this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Hey, je pense que t'es finalement arrivé, JF. Ben oui, je suis arrivé. T'as-tu des petits problèmes avec ton Mac? Ouais, la caméra ne marchait pas. Ça arrive tout le temps dans ces temps-là, quand on est pressé, que la caméra ne marche pas, fait que je redémarre. Puis... Des fois, elle allume juste pas. Ça, je comprends juste pas pourquoi. Là. C'est un défaut du Mac, probablement, ou du OS, là, je sais pas. Mais... Probablement. Mais ça, hey, ça arrive des fois, je pense. Hein? Ça t'arrive des fois, je pense? Non. Oui, oui, ça m'arrive des fois. Mais, hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode du Time Out Live avec vos chers Mario et Luigi. Je sais pas, vos cabotins habituels, JF et Steven. Je peux-tu être Mario? Pourquoi faudrait que je sois Luigi? Il y a personne qui va être Luigi. Le pire, quand j'étais jeune, je le trouvais bien plus hot, Luigi. J'écoutais le film Mario Bros, puis je sais que c'est pas bon. Mais j'aimais ça d'écouter quand j'étais jeune, puis il était vraiment hot, Luigi. En tout cas, dans le film. Là. Mais ça, c'est juste parce qu'il est joué par un acteur cool. C'est juste à cause de John ça. John Leguizamo. Non, c'est ça? Oui. C'est ouais, ça. John Leguizamo. Ouais, c'est ça. Ouais. À un moment donné, je me promenais, la seule fois de ma vie que j'étais allé à New York, que j'étais allé à l'été 2012, puis je me promenais sur la rue avec ma blonde, puis je l'ai vu. Il parlait avec des fans. Puis il y avait je pense qu'il y avait un t-shirt, c'était genre « Mon nom est John Leguizamo », quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment lui, c'était vraiment... Juste pour être sûr que tout le monde le reconnaisse, parce qu'il veut pas, sa carrière est plus... Il avait l'air sympathique, hein? Le gars, là. Non, moi, je l'ai surtout aimé dans Dawn of the Dead. Land of the Dead, excusez-moi. Land of the Dead, ouais. C'est con, mais moi, une de ses performances favorites, c'est dans Spawn, parce qu'il joue le gros clown, il est méconnaissable, oui. C'est pas mal la seule bonne chose du film, mais... Non, je l'aime, John Leguizamo, puis je... Non, je vais me rappeler, je l'ai vu récemment dans un film, j'en avais parlé, c'était Chef de Jon Favreau, un film de cuisine, oui. Qui joue son compagnon de cuisine. Il est vraiment bon là-dedans. J'adore cet acteur-là, mais on le voit trop peu, c'est dommage. C'est pas comme Bob Hoskins qui joue Mario. Lui, on le voit beaucoup, puis c'est aussi un excellent acteur, surtout dans Roger Rabbit. Que... Il est pas mort récemment, lui? Bob Hoskins? Non, je crois pas. À moins que j'aie passé à côté, je me sentirais tellement mal. Je suis là à dire que j'aime tellement Bob Hoskins. Puis... Je fais une recherche rapide, là. Pendant que tu fais de recherche, moi, je monte. Je bois un délicieux chocolat chaud After Eight dans ma tasse de l'eau de l'hiver. C'est quoi son vrai nom, lui, dans Ghostbusters? Slimer. Slimer, oui, c'est ça, Slimer. Bob Hoskins, après, je me mélange, tu sais qu'un autre. Il me semble qu'il est... Ouais, 2014, oui, Sylvain, t'as raison. Dans Moulin Rouge, il est vraiment hot aussi. Tellement speedé, il court partout. Ah oui, il fait Toulouse-Lautrec, c'est vrai. Mm-hmm. Oui, mort le 29 avril 2014, c'est ça. Pour vrai? Oui, 71 ans. Oh my god, ben soit je l'avais oublié ou soit je suis passé à côté, mais. Ah, je suis vraiment triste. Attends, moi non, je suis triste. Ouais, je vais te laisser vivre le moment un peu. On peut faire une minute de silence si tu veux. Non, mais c'est parce que j'ai grandi avec ce monsieur-là. Moi, comme je dis, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un de mes films d'enfance que j'ai écouté en boucle. Dans Capitaine Crochet, Mouche? Mouche, oui, aussi dans Capitaine Crochet. Non, c'est. Non, c'est triste, voir. Ça me fait chier d'avoir loupé ça. Puis dans Doomsday? C'est drôle que tu mentionnes Doomsday. C'est pas tout le monde qui s'en rappelle, ça, par contre. Ouais, je l'avais remarqué là-dedans. Parce que c'était comme... Ça faisait genre 15 ans que je l'avais pas vu, je pense, dans un film, quand je l'ai vu dans Doomsday. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu bois, toi, Jeff? C'est une bière que j'ai poignée à la LCBO, parce que je viens en Ontario, fait que c'est comme la SAQ de l'Ontario, c'est... je la connais pas. Je suis du genre à essayer des bières. C'est une bière noire. Fait que c'est ça. C'est quoi le pourcentage là-dessus? 5.3. La bière de blé numéro 1 du monde. Bien sûr, il marque tout ça, là, mais c'est pas vrai, c'est correct. Je suis pas un gros connaisseur, je vais juste essayer des affaires. C'est un peu embrouillé derrière moi, mais j'ai acheté aujourd'hui Turbo Kid et Ant-Man. Je savais même pas que Ant-Man sortait aujourd'hui, mais c'est un Marvel qui m'intéressait parce que je trouvais que ça faisait un peu différent de toutes les autres qu'on était habitué de voir. Fait que je me dis, ah, ça va peut-être être un petit peu rafraîchissant. Ouais, je suis curieux de le voir. Parce que le dernier, le deuxième Avengers, j'ai été pas mal déçu. Fait que... Ben oui, on est en ligne, chérie. Tu peux venir devant la caméra si tu veux. C'est correct. On n'aura pas d'apparition de Chantal. Non. D'accord. Des choses qui arrivent. mais avant de commencer, je voudrais prendre un petit deux minutes parce que je sais que Sylvain Desmentiers est en train de nous écouter. Puis il a sorti aujourd'hui sa nouvelle vidéo pour la suite de Flower in the Attic. Je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder, toi, Diane. Pas encore. Je ne vais rien spoiler parce que, oui, on peut spoiler les vidéos de Sylvain parce qu'il prend la peine d'écrire un scénario, il met beaucoup d'efforts, il écrit des blagues. C'est un humoriste, Sylvain, on ne sait pas, mais c'est vraiment un humoriste. Il devrait venir faire ses vidéos sur un stage de Juste pour rire, tout le monde serait comme « Génial! Je ne sais pas c'est quoi, le film était génial! » C'est clair, s'il ferait un septième démenti live, il y aurait du monde, c'est sûr. Oui, il devrait essayer, ça serait une bonne idée, ça. Mais c'est honnêtement, lui, il me disait qu'il trouvait que c'était son meilleur vidéo « ever ». Puis je suis prêt à dire que ouais, c'est un de ses meilleures vidéos ever. Je sais pas si je peux dire encore son meilleur, mais c'est vraiment drôle. Ça va peut-être te donner envie de regarder la suite finalement, vu que tu as tellement détesté le premier, GF. Je l'avais vu la suite. Je l'ai vu, Peter Zondowin. Ah, pour vrai? C'est les deux, les deux derniers que j'ai pas vu. Ah, ok. Puis c'est, finalement, t'es pas plus tombé en amour avec la série. Non, je l'avais détesté, Peter Zondowin. Ok, les deux. Je l'avais dit à Sylvain, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et, le lendemain, il me parlait d'une scène, puis ou le soir même, puis j'avais aucune idée de quelle scène qu'il me parlait. Pourtant, je venais juste de le voir, le film, tu sais. Ça montre à quel point tu devais utiliser ton cellulaire durant le film. Ou juste pour mon cerveau. Ou juste pour ton cerveau, ouais. J'utilisais pas mon cerveau. Hey, Jeff, si je te dis, il reste 10 de dos, c'est quoi ça te fait penser? Star Wars. J'ai fait un petit calcul mental dans ma tête de 18 décembre. Tu te rends compte? 10 de dos. Ça fait. Je me rappelle encore quand le film a été annoncé, puis j'avais l'impression que c'était à l'autre bout du monde. Puis là, maintenant, on a 10 de dos. Puis là, je suis comme semi-excité, semi-stressé, parce que, tu sais, évidemment, j'ai vraiment hâte de voir un nouveau Star Wars, mais d'un coup, que ça fasse comme l'épisode 1. Non, tout le monde est excité, puis ensuite, on va voir ça, puis finalement, on est comme. Ah, tout ça. Non, je pense pas. C'est pas le même feeling. Là, c'est J.J. Abrams. C'est pas. Non, je suis pas mal certain que ça va être correct. Mais oui, Sylvain dit qu'il pense pour l'idée live. Fait que ça y trotte dans la tête. Fait que ça serait vraiment cool. Ça serait différent. Il n'y aurait pas de montage. Il reste sûrement un scénario quand même aussi. Bon, d'après moi, il prendrait la peine de se préparer tout le temps après, Sylvain. Là. Je ne sais pas s'il y a du monde qui nous regarde. Ben, je sais qu'il y a du monde qui nous regarde, mais parmi ceux qui nous regardent, je ne sais pas s'il y a du monde qui sont nouveaux, qui nous ont connus par RZO, parce qu'on est sur RZO depuis pas longtemps. La nouvelle mouture d'RZO qui a commencé il y a deux semaines à peu près, je pense. Oui. Puis ça c'était né pour la première version, c'était l'année passée ou il y a deux ans. Puis ça avait fini par mourir de sa belle mort parce qu'il n'y a pas vraiment de réflexion derrière ça. Puis qu'est-ce qu'il voulait faire exactement avec ça. Puis finalement, ça a été reparti par un gars qui s'appelle JF Crump. Puis. Qui est connu dans le monde du podcast québécois. Là, il participe à différents podcasts. Puis c'est ça, sa nouvelle version d'RZO, je la trouve vraiment cool. C'est fait comme un. On en a parlé un peu dans le dernier Horror Gamer, là, je pense. Mm-hmm. C'est là-dedans qu'on a parlé. Ouais. C'est ça, c'est fait comme un lecteur audio. Dans le fond, tu peux aller là-dessus. Puis là, on est rendu à 40 podcasts à peu près québécois là-dessus. Ah ouais, ça grimpe à chaque jour. Il y en a tout le temps des nouveaux. Puis tu as tout le temps des. Puis on est avec les meilleurs, là, on est aux côtés de Mystérieux Étonnant, puis Trois Bières, puis toutes ces affaires-là, puis les plus connus. T'sais. C'est vraiment Horror fun. Gamer est là, celui à Vicky est là, ouais. J'ai mis du gras partout sur mon écran. Moi, j'en écoute quelques-uns, j'ai commencé à écouter Robot Sucré il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment très bon, Robot Sucré, puis ils viennent juste d'être ajoutés à ça. Le podcast voyons, comment est-ce qu'il appelle ça, le blog, le sac de chips du Journal de Montréal, leur podcast... Ça s'appelle Rock 1. Puis c'est bon aussi, j'ai écouté un épisode, c'est très bon aussi. Puis non, c'est ça, je vous invite à aller voir sur rzoweb.com, puis à visiter, puis si c'est pas déjà fait, puis à checker les différents podcasts, parce qu'il y en a vraiment des très bons. Ouais, c'est vraiment intéressant, puis il y en a beaucoup là-dedans que je connais pas, mais je voulais prendre la peine de checker un peu qu'est-ce que ça donnait, puis on va sans doute faire des belles découvertes. Puis là, ben, tu parlais de Star Wars, puis moi, je parle de podcast, puis je vais faire un mélange des deux. J'ai écouté cette semaine, on est quoi, on est mardi? Non, j'ai écouté en fin de semaine un long podcast d'au-dessus de... C'est, les deux épisodes en tout font au-dessus de 8 heures, j'essaie de retrouver en même temps que je parle. C'est, ça s'appelle 24 FPS, vous pouvez le trouver en ligne si vous tapez genre 24 FPS podcast. C'est français. Puis c'est les deux épisodes que j'ai écoutés, dans le fond, c'est la genèse de Star Wars. Il parle des trois premiers films des années 70-80. Mais mettons, le premier épisode que j'ai écouté du podcast, la partie 1 de leur spécial Star Wars, la partie 1 se concentre sur la genèse de Star Wars, l'écriture, tout ça, toute la pré-production et le premier film, jusqu'à sa sortie, puis c'est retombé, tout ça. Puis le deuxième épisode parle de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi, mais ça rentre dans les détails, puis c'est juste deux gars, puis il y en a un en particulier qui fait juste parler tout le long, puis dire son... Puis il fait comme un genre d'exposé de toutes les différents trivia que tu peux avoir, ou toute l'histoire au complet, puis c'est... Je trouvais que c'était vraiment bien. Le gars, il a une belle voix, puis il a une belle façon de raconter son histoire, fait que c'est jamais plate. Puis moi, je l'écoutais, puis j'étais comme, je me perdais là-dedans, là, c'était, perdais dans le sens que je me laissais embarquer là-dedans, puis c'était vraiment trippant. Puis je les connaissais, je connaissais quand même pas mal de trivia, mais il y en avait plusieurs que j'ai appris, puis tu sais, tu suis ça, puis ça suit super bien, puis c'est vraiment le fun à écouter. Avec 24 FPS, le podcast, les deux spéciaux Star Wars, qui viennent de sortir, là, c'est au mois de novembre que ça a sorti. Puis moi, ben, je m'enligne pour écouter leur spécial Spectre 007, qui dure 3h05 aussi. Mais avant ça, j'en écoute un autre podcast qui parle de James Bond. Je suis tombé dans James Bond. Un autre podcast français qui s'appelle Geeks et Légendes. Puis eux ont fait deux spéciaux James Bond en novembre. Un spécial de genre 4h, puis l'autre de 3h20. Où est-ce qu'ils font un retour sur la saga au complet des 24... je pense que les 24 films sont rendus. Wow. Donc, ils font un retour sur tous les films, puis comment est-ce que... qu'est-ce qui est... Tout ce qui a entouré, mettons, la production de chacun des films. Si ça vous intéresse, je vous invite. Là, je viens juste de... j'ai écouté à peu près une heure du premier épisode de James Bond, de Geek et Légende. Mais j'aime bien aussi. J'aime moins un peu que 24 FPS... J'aime moins la façon de livrer la marchandise, de livrer l'information. C'est juste une question des gars qui parlent, sont juste moins, ils m'intéressent moins un peu. Mais je trouve que l'information est super là, est pertinente, puis elle est fun. Puis si vous cherchez des podcasts à écouter qui sont longs, puis qui sont pleins d'informations, là, Geek et Légende, puis 24 FPS, je pense que ça vaut la peine. Je ne les connais pas plus que ça, à part ces épisodes spéciaux-là, fait que je vais explorer un petit peu plus qu'est-ce qu'ils font. Mais je suis pas payé par eux autres pour de la pub, là, mais j'avais envie d'en parler parce que j'ai écouté ça dans les derniers jours, puis je trouvais ça super intéressant. Ah, c'est quoi d'abord le chèque que tu m'as montré hier? Ah! Ah non, ok, j'ai rien dit. Ouais. Une autre petite nouvelle, là, c'est parce qu'il y a plein d'affaires que je trouve intéressantes. J'ai tellement pas beaucoup de films à parler aujourd'hui que j'essaie d'avoir des petites nouvelles pour que l'épisode dure un peu plus longtemps. Mais t'as-tu vu l'annonce du film de science-fiction? Je pense que c'est Swedish, si je ne me trompe pas, c'est allemand. Mais c'est, je ne sais plus le titre, mais le film est supposé durer 720 heures. Ah, t'as mis un lien sur ton Facebook, mais j'ai vu la bonne annonce. La bonne annonce, c'est un extrait du film. On ne voit vraiment rien, mais c'est supposé être dans le même moule que 2001, l'Odyssée de l'espace. Un film très atmosphérique puis existentiel. Je pense que c'est Simon, j'ai quand même oublié son nom de famille, mais Simon du podcast Les Oubliettes. Simon Bridge, qui avait précisé qu'il trouvait déjà 2001, l'Odyssée de l'espace, long. Fait que moi aussi, je trouve déjà que c'est un Kubrick quand même assez long, j'ai de la misère à le finir. Fait que j'imagine pas un film qui dure 720 heures. Honnêtement, je trouve ça ridicule. Comment tu peux arriver à garder l'attention de quelqu'un avec un film de 720 heures, c'était comme obligé de l'écouter en je sais pas combien de parties pendant pratiquement 2-3 mois. Là, c'est beaucoup trop long. Là. Ben 720 heures, ça fait combien de jours ça? Que je calcule vite sur mon téléphone. 720 heures divisé par 24, voyons, c'est ça, ouais, 24. On est des bots des mathématiques, hein, ça paraît. 30 jours, ça dure un mois. Un mois. Là, t'imagines, ça, c'est si tu fais pas de pause pipi, là. Ouais. Un mois. Un mois, jour et nuit, là. Ah. Mais non, si tu veux dormir, puis tout, faut que tu l'écoutes en deux mois, le film. Là. OK. La bande-annonce, apparemment, elle dure 1 heure. Non, c'est pas vrai, je sais pas, j'ai aucune idée. Non, mais c'est complètement absurde comme projet. C'est ambitieux, mais c'est trop long. C'est ridicule. Ben, moi, j'écouterais pas ça. Là. 720 heures, faut vraiment que ton film soit intéressant. Au pire, faisant une mini-télésérie, je sais pas, en plusieurs épisodes, de quoi, parce que y a personne qui va prendre la peine. Non, je sais pas. Non, ça m'intéresse pas vraiment de me taper 30 jours de film, là, tu sais. Moi non plus. Je sais pas. J'essaie d'imaginer que ça peut être pas d'informations sur l'histoire ou quoi que ce soit. Y a-t-il une histoire? Mais c'est juste un peu artistique, juste des images. Je me suis pas plus renseigné qu'il fallait. C'est vraiment juste le titre même de l'article qui disait 720 heures qui m'avait marqué. Mais sinon, je m'étais pas plus qu'il faut intéressé au film. J'ai regardé la bande-annonce qui dure 1 minute. C'est juste un extrait d'un gars qui met du feu à de l'essence à terre. Ça brûle. L'image est embrouillée avec des effets sonores. Puis ça dit que c'était pour montrer un peu qu'est-ce que l'ambiance du film serait. Okay. C'est comme, ben, je suis pas vendu. Est-ce que, tu sais, mettons, dans une installation artistique, une exposition, quelqu'un peut tourner une vidéo de 5-6 heures, puis après ça va jouer en loop pendant tout le temps d'exposition. Ouais, mais là, 720 heures, c'est débile. S'il y a une histoire en plus, il faut que tu aies une bonne histoire, non? Moi, je pourrais plus me taper 720 heures de Chia LaBeouf qui fait « Just do it! Do! » 720 heures de Confused de Vincent Vega. Est-ce que tu dirais de ça? Oui, ah, c'est génial. Honnêtement, je sais pas si vous avez vu ça, les personnes qui nous écoutent en ce moment, mais la grosse mode de prendre le personnage de John Travolta, Vincent Vega, de Pulp Fiction, puis de le mettre de l'incruster dans plein de scènes de films ou d'émissions. C'est impossible de le mettre juste là, pendant que tu parles, de le mettre à côté de toi. c'est juste la scène du film où il tient le manteau de Uma Thurman, puis il est là, puis il entend parler au micro, puis... Il check partout. Fait tout le long, c'est tout le temps dans une scène où il a l'air confus, que ce soit dans Star Wars ou même il y a quelqu'un qui l'a pris comme Alien qui sort du thorax du gars, puis tu vois juste Vincent Vega qui sort du thorax, puis il est comme... Hmm. C'est vrai. Dis-moi, ça peut être un nono, mais c'est vraiment drôle. Tu peux aller chercher le GIF, le GIF animé, puis il y a déjà l'écran vert derrière, puis tout, tu fais juste rajouter ta scène derrière, puis c'est pas trop compliqué à la... Mais c'est vraiment bien fait, pareil. Il y a des scènes de films, c'est vraiment bien incrusté. Là. Surtout ça, Star Wars, quand tu vois les esprits de Dark Vader puis d'Obi-Wan, puis à côté, t'as Vincent Vega en bleu, pareil comme eux. Puis c'est vraiment bien fait, là. Je trouvais ça vraiment drôle. C'est ça qui fait rire aussi. Là. J'aime beaucoup celui de Psycho aussi. Tu vois, juste Psycho. Aujourd'hui, j'ai vu celui-là de Jurassic Park pour la première fois avec l'ombrage. Puis je pense que celui-là, c'est un de mes favoris. Il est vraiment venu me. Les pères pendant un long moment. Tu regarderas, il est sur mon wall. OK. Sinon, t'avais-tu d'autres choses à mentionner, mon cher JF? T'as-tu des nouvelles qui t'ont marqué? Ou... Des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveautés? Non, vite comme ça, non. Non. Attends, peu, qu'est-ce qu'il y avait aussi? T'as parlé d'un film de 720 heures. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais dire? Ah, ça va peut-être m'en revenir. Là, j'ai oublié. Je sais pas. OK. Puis j'ai hâte de voir le nouveau Tarantino. Mm-hmm. Oui. Mais apparemment que ça sort pas au mois de décembre ici. Sur les affiches, ça dit Noël, mais j'ai entendu dire que c'était janvier au Québec. Je suis pas informé, ben. Puis okay. Tu sais, ça sera. Il est supposé sortir en différents formats, comme en 70 mm à certaines places, puis en digital à d'autres places, je pense. Puis c'est pas tout le monde qui a la technologie 70 mm, là, qui plusieurs personnes l'avaient abandonné pour avoir juste digital. Fait que. J'aimerais vraiment voir la version 70 mm parce que c'est vraiment ça que Tarantino a voulu faire, mais j'ai l'impression que dans mon coin, il n'y aura pas de salle avec l'équipement nécessaire. Une liste, je pense, récemment, des cinémas qui n'avaient... Si j'ai de la chance, peut-être qu'à Hull ou à Ottawa, ils vont en avoir un. Mais j'essaie de ne pas trop me faire d'attendre. Mm-hmm. Sinon, est-ce que tu es prêt à commencer? Oui, j'ai pas grand-chose, mais oui, je suis prêt à commencer. Vas-y. Oh, ok, ben, je pensais que t'allais non, t'étais parti. Non, ben, je peux juste dire que j'ai pas grand film aujourd'hui, pour être honnête, j'ai juste 3 films. C'est parce qu'on est au mois de décembre, puis j'ai décidé de faire un marathon de Noël, comme pour le genre de marathon d'Halloween qu'on a fait, mais ça me tentait juste de revoir des classiques que je m'amuse à voir à chaque année. C'est comme je suis dans l'ambiance, comme derrière moi, je me suis retapé « Maman, j'ai raté l'avion ». Là, aujourd'hui, j'ai écouté Scrooge avec Bill Murray. J'ai écouté aussi... mon Dieu, j'ai un blanc. Plane, Train et Automobile avec John Candy et Steve Martin aussi, que j'aime beaucoup. Fait que c'est pas mal tous des trucs que tout le monde connaît et qu'on a tous déjà vu un million de fois. Le Sapin et des Boules, ça a été le premier que j'ai réécouté. Je sais que Jeff n'est pas forcément un fan vu qu'il n'a pas eu la chance de grandir avec ce film-là à TVA. Mais moi, c'est vraiment un que je ne suis pas capable de me passer. Là. Chaque année, ce film-là me fait une boule de nostalgie. Là. C'est fou. Là. J'adore ça. J'ai pas vu Plane, Trains et Automobile. Honnêtement, plus je regarde des comédies, plus je me retape des classiques, plus je me rends compte à quel point John Hughes a vraiment fait la plupart des meilleures comédies que j'adore des années 80, début 90, si on veut. Il y a tout le temps un rapport là-dedans, soit qu'il est producteur, scénariste ou peu importe. Puis j'adore vraiment ses films, honnêtement. J'adore son style d'humour. Puis je trouve ça un peu triste parce que de nos jours, je veux pas faire mon rabat-joie qui dit que les films de nos jours, c'est moins bon qu'avant, mais j'ai un petit peu plus de la misère avec les comédies. Je trouve qu'il y en a des moins bonnes. C'est plus difficile d'en trouver une puis dire « Ah, ça, c'est vraiment une excellente comédie. » Là, je peux des fois les compter sur une main durant toute une année. Là. Cette année, on a été chanceux. On a eu une couple de bonnes pareilles, surtout avec Spy. Mm-hmm. Mais je trouve que j'ai de la misère à me trouver plus de comédies que je vais vouloir réécouter plus en plus avec les années, comme les classiques que j'ai des années 80. Tu penses-tu aller voir The Night Before? Il me tente, mais gars, j'ai même pas eu la chance d'aller voir Speck. Je vais aller voir Rocky. J'ai pas eu la chance d'aller voir Rocky non plus. Creed. Fait que non, je crois pas que je vais y aller. J'ai d'autres priorités avant ce film-là. Ça a l'air le fun, mais je pense que je vais attendre le Blu-ray. OK. Ouais, ma priorité, c'est Creed. Puis ben, le demain, avant de voir Creed, je vais voir Krampus, mais c'est parce qu'on fait un épisode là-dessus d'Horror Gamer. Fait que... Ça me tentait plus ou moins. Je sais que toi, tu l'as vu. Puis moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Fait, là, je n'aurais parlé à soir sinon, mais je suis vraiment content qu'on fasse un épisode parce que ouais. Je trouve que c'est un film vraiment intéressant à parler. Fait que... Mais quand je te dis, moi, ben, je ne sais pas si ça va être... pas que c'est quoi l'opinion du monde, mais moi, la bande-annonce, je ne me l'avais pas vendue pantoute. Là, mais je crois que ça ne savait pas trop quel ton prendre. Là, mais c'était à la fois humoristique. Puis, mais je ne sais pas. Des fois, les comédies d'horreur, ça ne me dérange pas, mais... C'est dur à vendre aussi une comédie d'horreur dans une bande-annonce. Il faut que ça. C'est très dur à vendre, je trouve. Je te dirais, comme je t'avais déjà dit, je te dirais que la bande-annonce reflète plus ou moins bien le film. Là. Le film est mieux que la bande-annonce, là, selon moi. OK. Mais regarde, parlant de films qui reflètent mieux de la bande-annonce, je vais commencer avec mon premier film. Oui. C'est un film que j'avais vu la bande-annonce au cinéma, puis j'ai comme fait. Ah, OK, ouais, un film d'action typique avec Pierce Brosnan, même s'il n'est pas forcément l'acteur principal, puis ça me tentait plus ou moins, ça avait l'air super classique. Finalement, on me le recommandait à plusieurs reprises comme étant vraiment un excellent trailer. On n'a pas entendu. T'as entendu quelqu'un se moucher, ça peut-être? Oui, j'ai entendu. C'est pas grave. Tout le monde l'a entendu. Mais je parle de No Escape. C'est sorti en DVD Blu-ray il y a peut-être 2 semaines. C'est avec Owen Wilson puis Pierce Brosnan, comme je disais, mais il y a plus un petit... Oublie pas Lake Bell, sa pochette. J'aime beaucoup Lake Bell. Oui, Lake Bell qui joue sa femme là-dedans. Puis c'est réalisé par le gars qui a fait le remake de Wreck, Quarantine, puis qui a fait House Above Below, le fan footage style Indiana Jones et... L'enfer, si on veut, que tu avais bien apprécié, puis moi aussi. Puis je trouvais que t'étais bien. Above Below, tu veux dire, le film de. Ouais, Above Below, ouais. Okay. J'avais trouvé ça vraiment. J'avais bien aimé. Je trouvais que c'était un fan footage sympathique, mais je trouvais que le réalisateur avait quand même des bonnes idées de réalisation. Fait que j'étais curieux de voir cela. Mais ça raconte l'histoire d'une famille, une petite famille américaine qui vont déménager à Thaïlande parce que Owen Wilson, dans le fond, travaille pour une compagnie. D'eau, si on veut, qui sont là pour purifier l'eau pour qu'elle soit potable pour les gens. Puis finalement, arrivé là-bas, il va arriver un espèce de gros coup d'État. Là. Le pays va rentrer vraiment en grosse révolution, si on veut. Puis la famille va se retrouver en plein milieu de ça. Puis vont tenter par tout moyen de retourner à l'ambassade américaine pour essayer d'être en sécurité pour s'en aller de là parce que c'est en train de tourner en véritable bordel. En gros, c'est ça. L'histoire est simple, mais c'est vraiment efficace. Honnêtement, j'ai écouté le film, puis ça dure 1h40, puis j'ai été sur le bout de mon siège du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui surprend le plus, je te dirais, à la base, quand tu regardes le trailer du film, ça a vraiment l'air d'un film d'action, suspense typique d'Hollywood, vraiment pour divertir les ados, mais c'est vraiment loin d'être ça. C'est un film qui est très cru puis très froid dans sa violence. La première scène où tu vois juste Owen Wilson qui tente de trouver un journal américain dans une petite ruelle, il n'y a pas vraiment de personne qui parle anglais. Il tente de trouver son journal, puis tout d'un coup, il va juste voir une grosse escouade anti-meute qui va arriver avec des gros boutiques de plastique, puis elle va commencer à taper, puis il va se retourner de l'autre bord, puis il va juste voir plein d'habitants, une grosse armée qui va arriver avec des machettes. Déjà là, tu commences à avoir un sentiment de panique avec le personnage, puis un coup que le genre de guerre se déclenche, mais c'est vraiment super bien mis en scène, fait que il y a vraiment beaucoup d'énergie, c'est super violent. Tu as des scènes quand même, tu sais, c'est un peu PG-13, mais tu as des moments vraiment violents, puis de manière très intense. Tu as des exécutions de personnes à coups de revolver à bout portant qui arrivent de nulle part ou à coups de machette. Fait qu'on a vraiment un sentiment de danger incroyable pour cette famille-là. Et la famille est vraiment attachante. Owen Wilson, en temps normal, je ne suis pas le plus grand fan de cet acteur-là. Mais quand il joue vraiment un vrai bon rôle, sérieux, il est capable d'être bon. On avait parlé, toi puis moi, dans The Royal Tenenbaum, du réalisateur... Wes Anderson. Wes Anderson, qui était vraiment bon là-dedans. Puis je trouve que No Escape, c'est un de ses meilleurs rôles qu'il a eu depuis vraiment longtemps. Comme tu disais, t'aimais Lake Bell, elle joue vraiment une femme forte, puis la famille vraiment, joue vraiment une famille unie avec les deux enfants qui vont vraiment tenter de survivre par tous les moyens. Puis comme je dis, ça n'arrête pas pendant jamais, là, t'as pas un moment de répit. C'est, ils courent, ils tentent de survivre, ils sortent de toit en toit, ils vont se cacher dans des buissons, il arrive tout le temps quelque chose. Puis au début, je pensais que ça serait un gros film d'action parce que tu voyais Pierce Brosnan venir les aider. Ça a l'air d'être un gros agent à la Jason Bourne qui bute tout le monde avec son gun. Mais c'est vraiment mensongère dans la bande-annonce. C'est vraiment loin d'être ça. Puis il est peu présent. Fait que c'est vraiment une bonne chose. Ça m'a surpris. Puis le film réserve vraiment quelques petits revirements surprenants. Tu as des moments vraiment que je ne m'attendais pas à voir dans une production hollywoodienne à ce point-là. Je ne vais pas les révéler parce que ça gâcherait la surprise. Mais ça a vraiment été une belle surprise pour ma part. Honnêtement, c'est pas forcément un film que je mettrais peut-être dans mon top 10 de l'année. Mais tu sais, quand tu t'attends à voir un film ordinaire ou bof, puis que finalement, tu te retrouves avec un produit qui est vraiment meilleur, ben moi, j'adore ça. Ça me rend de bonne humeur. Puis No Escape, ben ça m'a juste offert un beau moment de suspense puis de tension comme je n'avais pas eu depuis quand même un bon moment. Fait que je le recommande fortement si vous avez envie de passer une soirée mouvementée en émotion, là. J'ai vraiment été surpris. Intéressant. Oui. Ben, je vais juste mentionner Lake Bell. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé cette année dans un autre film. Je n'ai parlé vaguement, je n'ai parlé dans un autre épisode. Le film s'appelle Man Up avec Simon Pegg. C'est une comédie, puis elle est vraiment très bonne là-dedans. Oui, c'est vrai. Je l'avais pris en note celui-là. Tu m'avais vraiment donné envie de le voir. Alors, c'est une actrice très, très, très versatile. Je l'aime vraiment beaucoup. OK, ben moi, je vais parler d'autres choses. J'ai regardé il y a peut-être une semaine ou deux, j'ai regardé pour le fun un show d'humour sur Netflix que je ne connaissais pas, d'un artiste que je ne connaissais pas, c'est Aziz Ansari, gars d'origine indienne, mais qui est né aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Puis très populaire aussi. Ouais, ben c'est ça, je ne connaissais pas vraiment, mais j'avais entendu parler de sa nouvelle série Master of None, puis des bonnes critiques que ça avait, puis tout, puis je voulais voir c'était quoi son type d'humour, fait que j'ai regardé le show, son plus récent sur Netflix, il y en a 4 ou 5 sur Netflix, puis c'est, j'ai vraiment adoré ça, il y avait un petit côté, tu sais, il me faisait penser un peu à Louis-José Hood dans sa manière d'aborder les sujets, puis tout, puis dans sa façon de livrer aussi sa performance, puis non, j'ai vraiment tombé en amour avec son style, puis ben je me suis tapé après ça, Master of None, là je l'essayais de setter pour la j'ai jamais fait ça vraiment sur un gout. J'essaie de mettre le poster parce que j'ai pas le DVD. T'es capable de le mettre? Je sais pas si les gens vont le voir, mais c'est juste nous autres qui vont le voir. Est-ce que... En ce moment, je le vois, là. Je reste curieux de voir si les gens le voient, mais si vous voyez le poster Jeff, faites juste... Oui, on voit le poster! Oh, là, ils vont... Là, ils voient ta face gelée, ce qui est quand même assez winner. fait que c'est ça pour ça le Master of None, si vous le voyez. Ok, je peux arrêter ça. Comment est-ce que j'arrête ça? Fuck pas tout, là, GF. Là, okay, c'est bon. Bon, pour ceux qui n'écoutent en audio, ben on va couper ça anyway. fait que Master of None, c'est une série de 10 épisodes sur Netflix. Ah, super, merci David de me dire que tu as vu le poster. OK, c'est une série de 10 épisodes sur Netflix, des épisodes de 20 minutes à peu près, 20-25 minutes, où qui mettent en vedette Aziz dans le rôle d'un jeune américain d'origine indienne qui s'appelle Dev, qui est acteur, qui est acteur surtout dans des commerciaux, mais qui rêve de devenir acteur dans des films, et qui, dans le fond, vit différentes situations avec ses amis, les filles avec qui il couche, avec ses parents. Puis chaque épisode suit une thématique. J'ai vraiment beaucoup aimé comment ça a abordé les différentes thématiques, comme le premier épisode parle des gens sans enfants par rapport aux gens qui ont des enfants. Le deuxième épisode parle des relations entre nous, mettons, les enfants, puis nos parents, dans le sens où on n'est pas souvent... on ne se rend pas compte des sacrifices que nos parents ont fait dans la vie, surtout dans son cas, lui, ses parents, c'est des immigrants, des anciens immigrants, puis ses amis avec qui un de ses amis aussi, ses parents étaient immigrants, puis là, on voit des flashbacks de des pères et tout ça, puis qu'est-ce que chacun de leurs pères ont vécu comme histoire, puis tout ça, puis c'est à la fois touchant. Ça te fait réfléchir, ça te fait poser des questions sur ta propre vie, ça te fait comme rire jaune parce que tu dis « Ouais, tu sais, je suis pas tellement gentil avec mes parents. » Puis tu sais, c'est des situations des fois où il faut que tu aides ton père ou ta mère avec son iPad ou quelque chose comme ça, tu perds patience, puis toi, tu veux juste pas passer du temps avec eux autres puis aller au cinéma ou peu importe, tu trouves n'importe quelle excuse. Mais c'est ça, en voyant les flashbacks de ces parents-là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait comme sacrifice dans leur vie pour que cet enfant-là en arrive à avoir cette vie-là aussi facile. Ben, ça a l'air simple à dire, mais c'est tellement bien fait, je trouve, comment c'est écrit. Tu as aussi un épisode qui m'a vraiment plu, où tu as la différence, comment est-ce que les femmes vont percevoir le monde en général, puis comment est-ce que les hommes le perçoivent. Comme au début d'épisode, tu as une scène où les gars, Def et son meilleur ami, sortent d'un bar, puis ils marchent dans une rue, puis ils se rendent chez eux à pied. Puis t'as une fille qui est sortie du même bord en même temps qu'eux autres, puis elle a fait aussi la même chose, elle se rend chez elle à pied. Mais t'as les deux scènes en parallèle où ce que les deux gars parlent de n'importe quoi, puis ils s'en foutent, ils n'ont aucun problème. La musique, je pense que c'est Don't Worry, Be Happy qui joue en background, puis tout va bien. Tandis qu'elle, l'image, elle devient toute sombre, la rue, elle devient super lugubre, puis elle se fait suivre par du monde creepy, puis tout. Puis t'as cette différence-là de comment est-ce que les femmes vivent la sortie des bars en général, puis les hommes la vivent, puis que les hommes n'ont aucun problème en général parce que... Il n'y a personne qui va les attaquer, personne qui va les suivre, mais les femmes vivent tout le temps dans cette peur-là. Fait que je trouve que c'est super bien fait. Puis c'est hyper intelligent, c'est drôle. Puis j'écrivais sur mon Facebook, à un moment donné, j'étais rendu juste au 5e épisode. Puis je pèse encore mes mots. Je crois que c'est une série hyper importante pour prendre justement conscience de certains travers de notre société et de notre personnalité. Autant que j'ai aimé Black Mirror, la série britannique qui reste pour moi peut-être la meilleure série des années 2000, qui est une série hyper pertinente que tout le monde devrait voir, puis qui fait peur dans la manière que c'est tellement... Ça touche tellement à toutes sortes d'aspects de notre vie, puis c'est tellement réaliste, Black Mirror, puis c'est assez fou comment c'est super intelligent, cette série-là, puis c'est... faut que vous le voyez, il faut absolument que vous voyez ça. Ben, je trouve que Master of None vient jouer là-dedans un peu, mais de manière comique, ça touche à différents aspects de nos vies à nous autres aussi, pas juste celle du personnage, mais nos vies à nous autres. On s'identifie à toutes ces personnes-là où on est capable de dire « Ah, cette personne me fait penser à quelqu'un que je connais » et tout. Puis ça nous fait réfléchir beaucoup, beaucoup tout le long. Moi, j'ai pas arrêté de penser à ma propre vie ou à mes propres réactions à certaines affaires, mais aux relations hommes-femmes et tout ça. Ça a l'air super basique la manière que je le dis, mais je trouvais ça super pertinent. Puis j'ai entendu quelques commentaires négatifs, mais en général, les commentaires sont super positifs. Puis, mais la manière que tu en parles, c'est vraiment pas l'image que j'avais de la série. Je m'attendais à quelque chose de léger puis le fun, mais pas que ça avait forcément autant de contenu. Tu en parles, puis ça s'intègre. Le contenu s'intègre là-dedans, puis ça reste le fun tout le long. Là, tu ris tout le long. Il y a des épisodes que je suis crampé tout le long. Là, mais ça, le message, tout ça, s'intègre là-dedans. Puis, parce que moi, j'adhère au message. Là, c'est sûr que je comprendrais que quelqu'un ne s'y intéresse pas, mais moi, j'adhère à fond à ça. Là, puis, je la recommande à fond. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas long à écouter. Là, ça fait un an que tu m'écœures pour écouter Daredevil, puis j'ai écouté ça en place. C'est vraiment pas long à écouter. Là, 10 épisodes de 20 minutes, là, c'est, ça s'écoute de rien. Là, ben oui, là. 13 épisodes de 40 minutes, ça se coûte rien, GF, voyons. Hey, non, gars, j'arrête de te mettre de la pression là-dessus. Mec, moi, de toute façon, j'ai pas envie de te rusher, puis finalement, tu l'écoutes, puis ça te tente pas d'écouter, puis t'aimes pas ça à cause de ça. Là. Écoute-la, mec, ça te tente vraiment, puis tu sois prêt. Ça n'a rien à voir avec ton opinion de la série ou quoi que ce soit, c'est juste que ça serait... Même si c'était la série, une des séries qui me tenterait le plus, ça donne pas vraiment. Là. J'ai non, X-Files, j'en parle tout le temps. Là. J'ai X-Files puis tout que j'essaie d'écouter puis d'autres plein d'autres séries. Là. Tout le monde n'a pas arrêté de parler de Jessica Jones. Ça me tentait de l'essayer. Puis, gars, j'ai même pas encore écouté l'épisode 1. En premier, j'essaie de finir Better Call Saul parce que je me dis, gars, je vais arrêter de commencer 10 millions de séries en même temps. Là. Je vais en finir. Commencé Twin Peaks, là, 2-3 mois. Là. Imagine. Je suis loin d'avoir fini. Mais bon, on va y arriver. Surtout qu'X-Files commence en janvier. Là. Mais bon. Ouais. Moi, j'ai écouté, je voulais le garder pour Horror Gamer, mais là, à force d'accumuler les films d'horreur, je vais en utiliser ici, vu que des fois, j'ai pas beaucoup de films. J'ai écouté cette semaine Coolies. C'est une comédie d'horreur de zombies qui met en vedette une panoplie d'acteurs. Elijah Wood, Rainn Wilson, Alison Pill, Lee Whannell, le chum de James Wan qui a fait pratiquement tous les films avec lui. Ça raconte l'histoire d'une usine de fabrication de croquettes de poulet qui vont faire des croquettes de poulet, puis qu'il y a un des poulets qui est somme toute contaminé par X virus qu'on ne sait pas trop c'est quoi, puis qui va se ramasser dans une petite école primaire pour enfants, puis ça va être servi aux enfants sur l'heure du dîner, puis une petite fille qui va dévorer cette croquette-là, et par la suite, elle va finir par se transformer en zombie et commencer à mordre les autres, puis tous les enfants vont devenir des zombies, ce qui va faire en sorte que tous les professeurs vont rester cloués dans l'école à tenter de survivre contre des enfants. Le speech était écœurant, puis je vais le dire tout de suite, le film aurait pouvait facilement être vraiment meilleur. On aurait pu vraiment avoir un vraiment très, très, très bon film. Mais honnêtement, cassez-vous pas la tête. J'ai vu des critiques très mitigées par rapport à ce film-là. Soit que le monde était très déçu ou soit qu'il trouvait que c'était juste correct. Puis je pense qu'il faut vraiment le prendre de même. Dites-vous pas que ça va être un grand film. Dites-vous juste que vous allez passer un bon moment, que c'est le fun, puis que sur le 1h30, crime, il n'y a pas un moment que je me suis emmerdé. C'est de la comédie non-stop, du gros fun, t'as un peu de gore. Ça fait changement des films de zombies habituels. Je trouve qu'il y a des bonnes idées qui arrivent à rendre le tout rafraîchissant. Mais ce qui fonctionne le plus, c'est son casting qui est vraiment le fun. Là-dedans, Elijah Wood, il joue un remplaçant qui va venir à l'école pour sa première journée. Puis lui, il est juste remplaçant en temps partiel parce qu'en fait, c'est un écrivain. Puis là, je fais en guillemets avec mes doigts parce qu'il est en train d'essayer de faire sortir son premier roman, qui est un roman d'horreur. Puis à chaque fois qu'il essaie de le faire découvrir à du monde, ben le monde sont soit pas intéressés ou disent que c'est carrément de la merde son livre parce que ça raconte l'histoire d'un bateau qui est possédé, puis que le gars va être pogné avec le bateau possédé. Puis la première fois qu'il va raconter l'histoire de son livre à Rainn Wilson, il va tout de suite regarder puis il va faire « Ah, OK, c'est Christine. » Et quoi, c'est Christine? Ben, Christine de Stephen King. Et tu vois juste, c'est la Joe Wood qui est comme, ben, c'est pas la même affaire, c'est un bateau. Fait ouais, c'est Christine. En tout cas, c'est vraiment drôle. T'as plein de petites répliques de même par rapport à son roman. Puis tout le long, Rainn Wilson va s'amuser à l'aguicher avec son roman, puis à le traiter de pseudo Stephen King. Puis c'est vraiment le fun. Mais le personnage que j'ai vraiment le plus aimé dans le film, c'est celui joué par Lee Whannell. En temps normal, le gars, il est plus scénariste, puis maintenant réalisateur avec James Wan. Il a peut-être joué un ou deux rôles, dont dans le premier Décadence, qui jouait un des gros rôles avec le gars enfermé dans la salle de bain. Mais là-dedans, il joue un professeur qui a des problèmes de communication. Il ne sait pas parler, il ne sait pas comment amener une discussion. Puis tu vois, dès le départ, son personnage est en train de lire un livre qui sait comme comment avoir une conversation normale pour les nuls. Okay. C'est drôle, à chaque fois qu'il vient pour s'incruster dans des conversations, des fois dans des moments dramatiques ou peu importe, il va arriver avec un sujet qui n'a aucun rapport, qui va le dire de manière full monotone, il n'y a pas de sentiment à chaque fois qu'il en parle. Puis c'est tellement drôle, moi j'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment bon dans son rôle, puis chacune de ses répliques, j'ai trouvé que c'était du bonbon. Mais sinon, en tant que tel, niveau gore, comme je dis, c'est quand même léger. Mais il y a quand même des moments assez sanglants. Tu as des scènes que les enfants n'hésitent pas à dévorer le monde, à ouvrir les ventres comme dans Dawn of the Dead, à dévorer les tripes. T'as vraiment plein de trucs de même qui sont vraiment le fun. C'est un huis clos dans l'école, fait que c'est quand même assez varié. Il arrive toutes sortes de trucs. Ils vont utiliser des accessoires d'école pour se défendre, puis ils n'hésitent pas comment je pourrais dire, à massacrer les enfants. Là, c'est quand même assez drôle. En temps normal, ça serait choquant, comme dans un film comme The Children, où les parents finissaient par attaquer les enfants. C'était des scènes plus difficiles, mais là, c'est vraiment plus drôle. T'sais, c'est fait vraiment avec un ton léger. Comme je dis, c'est juste ça. C'est juste du gros fun. C'est un petit film léger que toute l'équipe, tu vois, qui s'amuse vraiment beaucoup, puis qu'il y a beaucoup de cœur, de sincérité. Puis je pense qu'il faut le prendre pour qu'est-ce que c'est. T'sais, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas la meilleure comédie d'horreur qu'on a cette année. J'ai préféré The Final Girl. Mais encore là, tu sais, The Final Girl, ça reste aussi une petite comédie d'horreur légère qui n'est pas forcément aussi grande que Cody's. Mais étonnamment, The Final Girl, c'est un film qui reste en tête et qui a un peu plus de contenu, je trouve, qui est la barre. Il n'est pas juste resté dans ma tête, il reste dans mon cœur. Ouais, toi, j'ai remarqué ça. Mais non, c'est ça. Sinon, je vous le recommande fortement. J'irai peut-être pas avec un achat parce qu'au risque de. Peut-être vous allez trouver le film pas suffisamment bon pour payer 16,99. Moi, je trouvais que c'était quand même abordable. Mais sinon, une location où si jamais vous le trouvez pas cher en prévisionnant ou Vidéotron, ça ne devrait pas prendre de temps. Allez-y, sans crainte. Vous allez vraiment passer un bon moment. C'est vraiment le fun. Les Cody's, si je ne me trompe pas, c'est des puces en français. Des ouais. Poux. Des poux. Ouais. Ça a un peu rapport avec les croquettes de poulet. OK. je... La carrière d'Elijah Wood est vraiment surprenante. Je l'adore. Honnêtement, depuis qu'il a lâché le Seigneur des Anneaux, il a tout le temps dit que c'était un fanatique de films d'horreur. Puis il a ouvert justement sa boîte de production pour des petits films d'horreur indépendants. Puis avec Maniac, il a commencé à faire ça. Puis je trouve qu'il n'arrête pas de choisir des projets intéressants puis différents. T'sais, il essaye vraiment plein de choses puis il ne reste pas enfermé dans le même cocon. Puis c'est cool parce qu'Elijah Wood, je le connais depuis que je suis jeune. Il avait fait le film Le Bon Fils avec l'autre qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion. Puis honnêtement, j'ai repensé l'autre jour, j'étais comme, hey, tu sais, Edward Furlong, le gars de Home Alone, tous des kids que de nos jours, ils n'ont plus de carrière, qui ont sombré dans la merde. Mais Elijah Wood, là, c'est génial, sa carrière marche autant. Ce gars-là, ça va bien. Il y a rarement des mauvaises nouvelles par rapport à lui ou de trucs tabous, tu sais. Puis je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui réussit à garder une belle image, puis à avoir l'air encore de 14 ans, parce que c'est fou comment ce gars-là, il vieillit pas. Elijah Wood, il a encore sa petite face de bébé, là, je trouve ça drôle. Puis non, je l'apprécie beaucoup comme acteur, je le trouve vraiment intéressant. Puis il n'hésite pas à essayer toutes sortes de trucs. Là. À part lui, là, les meilleurs, quasiment les meilleurs sont morts parce qu'il y en aurait deux là, que je vois dans ma tête qui auraient vraiment bien vieilli, je pense, puis qui auraient fait des bons choix en tant qu'acteur. C'est River Phoenix qui est mort trop jeune. Oui. Puis Brad Renfro qui est mort au début des années 2000. On le connaît pas, les gens le connaissent pas assez. Il a tellement fait des bons choix, ce gars-là. Il a tellement fait des bons films. Tu sais, tu regardes juste les deux Corées. T'sais, tout le monde se disait, mais ils vont avoir une carrière incroyable jusqu'à l'âge adulte, Corey Feldman et Corey Haim. Puis, regarde les deux comment ça tournait. Il y en a un qui a fini par mourir à cause de la drogue. Puis, Corey Feldman, mais il est dans sa passe Michael Jackson. Je ne sais plus trop quoi. Le gars, il n'est vraiment plus là. Mais c'est triste un peu. OK. Ben, je pense que je vais faire baisser le nombre de spectateurs avec mon prochain film que j'ai essayé de regarder. Excuse-moi de te couper, Jeff, mais ça commence en gros, il me dit fais attention où tu vas, Steven. Je suis pas sûr de l'avoir compris, celle-là. Moi aussi, je me pose la question. Mais c'est ça ou non? Moi, je change de. Ben, ça reste une comédie, mais c'est pas du tout le même style. Puis je risque de faire baisser le nombre de spectateurs. Déjà, on vient d'en perdre un. C'est passé de 5 à 4. Ah, c'est revenu à 5. Fait que non, je vais parler du remake de Annie, le film musical. J'ai une envie de regarder ça qui m'est sortie de nulle part, en fait, l'envie. Puis je me rappelle très bien du gros backlash l'année passée quand le film est sorti. Puis ça a été un gros flop. Les gens ont détesté ça. Un an plus tard, j'avais quand même oublié le film. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça m'est comme popé dans la tête. Là, j'ai aucune idée. J'ai rien vu à la TV. J'ai pas vu rien qui faisait référence à ça. Ça m'est juste revenu en tête. En fait, c'est-tu si pire que ça? Je vais le regarder. Ouais. Fait que là, je m'installe en fin de semaine, je le regarde, je finis le film, puis là, ma première réaction, ça a été de dire « Hey, les gens ont oublié de me dire que c'était le fun, ce film-là! » quasiment, je dirais pas que c'est bon, mais c'est pas mauvais non plus. J'ai eu du fun. L'actrice principale qui fait Annie, je l'ai trouvée très bonne dans son, dans son, dans son rôle. Jamie Foxx, je l'ai trouvé sympathique. Je suis en train de lire le commentaire. Ouais. Elijah Wood, yeux bleus, un beau petit gars de 14 ans. Ouais, dit de même, ça sonnait un peu louche. Là. J'imagine quelqu'un qui arrive dans le podcast, je suis juste comme un beau petit jeune aux yeux bleus, 14 ans. Là. C'est ça qu'on parle, le bras de fer. Ouais. Fait que, non, c'est ça, Jamie Foxx, j'ai trouvé très sympathique en, dans le rôle du... Mais en fait, ils ont changé les noms, là. C'est plus Daddy Warbucks comme dans l'original, c'était un autre, c'est Stax, c'est un gars qui fait des cellulaires. Puis Rose Byrne, je l'adore, Rose Byrne, elle est tout le temps le fun, elle est dans Spy, elle est dans Bridesmaid, dans les Insidious? Non, ah non, c'est Insidious. Oui, c'est dans tout cas, c'est Insidious, ouais. Ouais, c'est Insidious. Non, je l'aime vraiment beaucoup, cette actrice-là, puis là-dedans, elle très attachante. J'ai quasiment rien de négatif parce que c'est un film pour enfants. C'est un film à voir comme ça. C'est un film à prendre comme ça. Puis, tu sais, les chansons sont updatées par rapport à l'original, mais c'est bien correct. Moi, j'ai vraiment, là, je trouvais que le monde en chie là-dessus pour rien, dans le fond, parce que c'est pas si pire que ça. Si vous aimez l'original de Annie, c'est une très bonne, c'est un très bon update. Moi, je connais pas le dessin animé, parce que pas le dessin animé, mais la bande dessinée, qui, le comic strip, en fait, qui date, je pense, ça remonte aux années 30. Annie, là, c'est, aux États-Unis, c'était très connu. Puis le film en 82, c'est la seule chose que je connaissais du truc. Puis je suis pas particulièrement attaché au film, même si je l'ai toujours bien aimé. Il y a une très, très bonne performance de Tim Curry là-dedans, puis qui joue petit rôle. Puis, Albert Finney, qui est un très, très bon acteur, qui joue Daddy Warbucks. Il y a des très, très bons acteurs dans Annie, puis c'est un bon film. Mais je trouve que ce remake-là, on a trop chié dessus, puis c'est très naïf, mais c'est très drôle. Ah, Bobby Cannavale aussi, je ne sais pas comment on dit son nom exactement, mais Cannavale ou Cannavale, il est dans Spy avec Rose Byrne aussi, puis il est drôle là-dedans, il est le fun, son personnage est le fun, puis tu sais, il joue un peu contre son casting d'habitude, qui est plus le gros tough. Puis dans ce film-là, il est vraiment plus ridicule un peu. Puis c'est ça, c'est un film pour enfants. Fait que c'est du bonheur, c'est du fun. Puis moi, je le montrerai à n'importe quel enfant. Puis c'est très, très le fun comme film. Je pense juste que les gens avaient... C'est surtout les fans qui devaient avoir l'original beaucoup à cœur, puis qui ont sans doute été beaucoup sur la défense. Ça nous arrive aussi parfois, on voit tout de suite l'annonce d'un remake, puis... Veux pas, des fois, on peut être en crissant dedans. Puis... Je suis coupable aussi, parce que quand j'ai vu le trailer l'année passée, j'étais comme, ah, j'ai pas besoin de voir ça, j'ai pas besoin de voir une update d'Annie, tu sais. Mm-hmm. Puis tu réagis sur le coup au fait qu'elle est pas rousse, parce qu'Annie, c'est l'image, tu es la petite fille rousse, blanche, puis là, ils ont transformé ça en une noire qui est pas rousse du tout. Mais dans le fond, on s'en calisse, on s'en fout, c'est pas important. C'est l'histoire drôle. Qui est importante. C'est drôle que tu parles ça, parce que là, il y a une petite controverse, parce que je sais pas si tu avais entendu dire qu'il allait avoir une adaptation cinématographique de La Petite Sirène de Walt Disney. Ouais, c'est Chloé Moretz. Ouais, c'est Chloé Moretz qui fait Edgar dans Kick-Ass qui va la jouer. Puis là, ça a été annoncé comme quoi elle n'aurait pas dans le film les cheveux rouges. Bouhou, c'est tellement grave. C'est la fin du monde, parce que là, La Petite Sirène n'aura pas les cheveux rouges. C'est anodin. Je veux dire, c'est une couleur de cheveux. C'est comme... Si le film est bon, il va être bon, peu importe la couleur de cheveux. Puis s'il est pas bon, mais il sera pas bon, même si elle aurait des cheveux rouges. Ben, c'est ça. Je pense pas que ce soit le truc le plus grave dans une adaptation, changer les couleurs de cheveux d'un personnage. Surtout si c'est un dessin animé. C'est pas... À un moment donné, il faut en revenir, là. T'sais, dans Jem, il y a pas de synergie, puis j'ai aimé Jem. Je sais que Sylvain écoute. Probablement. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai hâte au remake qui est annoncé aujourd'hui de Dirty Dancing avec Abigail Breslin, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, dans le rôle de Jennifer Grey. Je suis très curieux et très nerveux de voir qui ils vont choisir pour faire le personnage de Johnny, qui était joué par Patrick Swayze, parce que ça va être très, très dur à remplacer. Je savais même pas qu'il y avait eu cette annonce-là de ce remake-là. Ça m'a vraiment surpris quand t'en as parlé. Check mon Facebook! C'était là-dessus. Ben oui, tu poses des nouvelles aux 5 minutes. J'ai même pas le temps d'en voir une, que c'est déjà plein de nouvelles. Là, JF, là, t'as trop d'informations. Faut que tu te calmes. D'accord. Je ne calme pas. Non, fait que c'est ça. Fait que si vous avez un petit peu. si vous aimez un petit peu des films comme moi, musicaux et tout ça, fait qu'Annie, c'est le fun. Fait que je ne m'étendrai pas plus sur le sujet parce que je sais qu'on a surtout des fans qui trippent sur l'horreur et ces affaires-là, mais moins sur les films comme moi. Fait que... Hey, ça s'appelle le bras de faire des films. On est deux. Tu parles des films que tu veux, peu importe. Alors, je m'en excuse pas, là, mais je ne veux pas non plus écœurer le monde. Là. J'ai assez écœuré le monde la semaine passée avec The Wiz. Là. Ben non. Mais Sylvain Desmarty aussi a raison lorsque les gens avaient chialé pour le nouveau James Bond avec Daniel Craig parce qu'il avait les cheveux blonds aux yeux bleus, puis que James Bond, mais ça a l'air qu'il peut pas avoir les cheveux blonds. Là. Qui a dit que James Bond ne pouvait pas avoir les cheveux blonds? C'est pas juste parce que les autres acteurs auparavant avaient des cheveux bruns, noirs, qu'on peut pas avoir un James Bond blond. Mais je continue à dire, puis je l'ai dit dans un épisode, que s'il irait pour le prochain James Bond avec Idris Elba, qui est un noir, moi je le prendrais de suite. Là. Je l'aime vraiment cet acteur-là, puis je trouve qu'il ferait un James Bond badass. Puis non, moi j'ai aucun problème avec peu importe qui il prenne. À une certaine époque, j'aurais... Tu sais, il y en a plein que je trouverais cool dans le rôle de James Bond. À une certaine époque, j'aurais bien aimé Clive... Clive Owen? C'est-tu Clive Owen? Ouais, Clive Owen de Sin City, là. Oui, c'est ça, Clive Owen, ouais. Ouais, j'avoue, ouais. Il y aurait une gueule de ça, je trouve. Ouais, ça aurait été pas pire, ça. À quand James Bond roux frisé? Ben oui, à quand? Si on peut avoir une Annie noire, pourquoi pas un James Bond roux frisé? Ça pourrait être intéressant. Ben oui. On n'a rien, on n'est pas raciste, nous, au bras de faire des films. Ça pourrait être Damien Lewis de Homeland. C'est un British, puis il est roux, puis Chris, il est super bon. Il pourrait pas. Pourquoi? Parce qu'il joue un méchant dans un James Bond. Damien Lewis? Ouais, il joue dans Die Another Day, le dernier de Pierce Brosnan. Ah, je t'ai pas vu celui-là, je vais en vérifier. C'est le même gars que Ah, moi, je me mélange, là, mais son visage dans ma tête, je suis pas mal certain que c'est lui qui joue le méchant. Il joue dans Dreamcatcher aussi. OK, d'abord, oui, c'est lui. C'est sûr. Il est super bon. Dans Dreamcatcher, là, le film est mauvais, mais là, il était super bon parce que maintenant, il fallait tout le temps qu'il switch entre deux accents parce qu'il était comme possédé un peu. Possédé, là, puis il switchait de personnalité, puis il était crissement bon. Là, c'était, mais honnêtement, Dreamcatcher avait vraiment un bon casting, puis les... 30 premières minutes, j'ai trouvé vraiment bonne. C'est après que ça se gâte, mais c'est vraiment niveau scénario le problème du film. Parce que les acteurs qui jouaient dans le film, je les aimais beaucoup. Peut-être à part Morgan Freeman avec ses sourcils en tapis. Là. Genre des sourcils 5 pouces d'épais. Pis c'est juste ça que tu vois à chaque fois que tu regardes dans le film. Là. C'est ridicule. Là, j'essaie de regarder. Je le vois pas. C'est en quelle année, Die Another Day? C'est des années 2000. Je le vois pas. À moins que quelqu'un puisse le confirmer parce que je le vois pas. Non, peut-être que je me suis trompé. Ça me donnait envie de le voir. Là. Mais... Je te le conseille pas. C'est... c'est rien que j'aime pas. Non, mais si lui avait été dedans, ça m'aurait intéressé. Mais non, c'est ça en tout cas. C'est une idée. Superman noir. Oui. Ben oui. Oui, je suis ouvert à tout. Mais, on est ouvert à tout, mais c'est parce que c'est Hollywood qui oserait jamais faire ça. Puis déjà, en partant. Il mettrait Superman noir, s'entends-tu que la première chose qui va arriver le lendemain, c'est les geeks qui vont venir chialer, puisque les pires fans que t'as pas au monde, c'est les geeks. S'il y a un petit détail qui est changé, c'est la fin du monde. Je me rappelle, il y avait eu une grosse guerre sur le net à cause des bobettes de Superman dans Man of Steel. Mm-hmm. À cause de ça, puis même Zack Snyder, il avait écrit sur son Twitter, il était comme « Vraiment? » Il dit « Si vous avez une chose à chialer en tant que fan, c'est le fait qu'il n'y ait pas les bobettes. » Ça vous dérange à ce point-là. C'est vraiment ridicule comme détail. Là, t'sais. T'sais, cette année, tu peux même plus avoir du fun. Je vais faire une petite mention à The Wiz encore une dernière fois, mais jeudi dernier, quand ils ont passé The Wiz live, le Wizard of Oz, là, premièrement, c'est tout noir, puis ça me faisait rire que le monde chialait. Il y a du monde qui chialait sur Twitter. Hey, ils ont fait The Wizard of Oz tout noir, c'est raciste. Ben oui, mais ça fait 40 ans que la petite pièce The Wiz existe depuis 1915. C'est ça le concept de The Wiz. C'est une version noire du Magicien d'Oz. Puis, dans cette version-là, ils ont fait que le Magicien d'Oz est une femme. C'est Queen Latifah, puis c'est Chris Marotte, parce qu'elle était vraiment très bonne. Puis moi, j'applaudis ce choix-là, puis c'est... Non, mais ça prend de l'audace, ça prend des couilles pour changer ce genre de truc-là. Puis qu'il y a des petits fanboys qui restent dans le sous-sol de leurs parents puis qui ont jamais eu de blonde et qui continuent à pleurer. Là, puis ça, je m'en fous. Mais je suis d'accord avec Sylvain qui parle de Captain America en couple avec Falcon parce que quand tu écoutes le film, moi, j'ai l'impression que le réalisateur s'amuse à faire de quoi de subtil par rapport à ça pour que le monde le voie. En tout cas, Sylvain l'a vu, ça, c'est définitif. mais que Hollywood laisserait jamais faire ça, je pense pas. C'est, ils ont pas assez de couilles pour oser. Tu sais, admettons, vraiment arriver avec une relation entre Captain America puis Falcon, je pense pas qu'on va voir ça un jour. Est-ce que c'est juste moi, je pose la question de même, ou je te vois plus pantoute, ta caméra plus l'air de marcher? C'est peut-être juste moi. Là. Non, t'as raison, moi aussi, je me vois gelé. Ah, OK. Mais j'entends ton son très bien. Ben, au moins, on entend comment entendre. Ben, de toute façon, on avait dit qu'on finirait vers 11h, je pense. Fait que... Ouais. Fait que, c'est pas bien. C'est bien. Ouais, Steven, on t'a perdu. Mm-hmm. Mais Sylvain voit des gays partout, on va dire. Non, t'as juste l'œil pour des petits détails que d'autres porteraient pas attention. C'est ça, je crois. Souvent, tu fais... C'est ça que je trouve intéressant quand t'es dans le podcast Horror Web, parce que lorsqu'on écoute l'opinion de tout le monde, mais la tienne est vraiment différente, puis je dis pas ça juste parce que t'es gay, mais juste parce que t'as juste une vision différente des autres, puis t'apportes des points, puis des trucs qu'on n'aurait pas remarqué dans un film, puis des hypothèses vraiment intéressantes. Puis moi, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est pas juste parce que t'es gay, puis on va dire que tu vois des gays partout, là. Ça a vraiment aucun lien pour ma part, là. Mais Steven, il met comme en pratique ce qu'on dit, parce qu'on parle de personnages qui sont devenus, qui pourraient devenir noirs, fait que Steven est devenu noir. fuck, j'ai manqué ma shot, j'aurais pu faire un... Ah mon Dieu, t'es vraiment un Yvon Deschamps, mon sage JF. Ah, quel talent! Attends, je vais essayer de quoi, là, ça va s'en aller. Ça a pas l'air de fonctionner. C'est long. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, ben, parle de d'autres choses en attendant, Jeff. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, merde. Non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur Sylvain. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Je suis allé sous bout de la langue. Non, je ne m'en souviens plus. Merde. C'est ça, non, ce que je disais à Sylvain autre fois sur Facebook. C'est une niaiserie, là, mais Captain America, ça ne me surprendrait même pas qu'il vire gay. Bon, pas comme si on virait gay, là, mais ça ne me surprendrait pas parce que comme ça n'a rien à voir avec la discussion. En fait, mais c'est juste que une fois que tu es sorti avec l'agent Carter, tu ne peux plus trouver de femme à sa hauteur. Fait que tu es aussi bien d'aller voir ailleurs parce qu'il n'y a aucune femme qui peut se mesurer à elle. Moi, je suis team agent Carter, team Ailey Atwell, puis c'est ça. C'est mon amour. Attention, là, ta copine va être jalouse si tu continues comme ça. Non, mais ouais. J'attends une deuxième saison avec impatience de l'agent Carter. Moi, j'attends de la commencer, comme d'habitude. Bon, ben ma caméra veut rien savoir, fait que fuck it, je vais continuer sans caméra. Ça me fait chier, je peux pas montrer la pochette, mais peu importe. Tu peux faire des grimaces. Les gens qui nous écoutent audio, ils s'en foutent, là, ils t'entendent. Ils mais c'est ça, ça change absolument rien. Bon, mais le dernier film que j'ai vu puis que je vais mentionner, ça s'appelle Stare... c'est que je suis pas bon avec les titres en anglais des fois. Stare Up. Moi, je pense que c'est ça. Si tu montrais la pochette, on saurait. Oui, je sais, c'est de ma faute. Stare Up. C'est un film Irish. Puis j'ai vraiment eu de la misère parce qu'il n'y avait pas de titre en anglais. Puis l'accent est vraiment difficile à comprendre, mais c'était pas si pire au bout du compte. Là, j'ai fini par comprendre pareil. Et ça raconte l'histoire d'un jeune, je dirais pas adolescent, mais un jeune adulte qui a des gros problèmes de comportement puis qui va se retrouver en prison pour adulte finalement. Je dis pour adulte, c'est parce qu'en fait, il est sur le bord d'être adulte, mais il va être jugé comme étant un adulte. Fait qu'il va aller dans une prison pour adulte et non pour jeune. Puis le film débute comme ça, il arrive là-bas en prison, puis c'est vraiment... C'est vraiment filmé comme un documentaire. C'est super réaliste. J'adore la mise en scène. Tu vois toutes les étapes, une à une, de l'entrée en prison, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va faire. En fait, lui, arrivé en prison, il va juste tenter de se créer une genre de réputation. Il va essayer de faire sa place. Mais le petit problème, et c'est là que le film possède un avantage, on va dire, c'est que son père, à lui, est en cette prison-là depuis très longtemps. Puis il n'a jamais vraiment eu la chance de grandir. Il n'a jamais vraiment connu son père. Il ne l'a jamais traité comme un vrai père, ce qui a créé des grosses tensions. Mais son père, dans cette prison-là, il est comme le genre de roi. C'est lui qui a le contrôle sur tout. Puis il peut décider de tout. Fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vas avoir une grosse tension puis un gros conflit entre le père et le fils tout le long du film. C'est super intéressant. Le jeune est vraiment violent. Il y a vraiment des gros problèmes de comportement. Puis il y a, dans cette prison-là, il y a un psychologue que lui il est là pour aider à essayer de calmer les gens qui ont des problèmes de violence dans son groupe. Puis évidemment, il est beaucoup attiré envers ce jeune-là. Il sent qu'il y a un potentiel qui peut vraiment le sauver. Fait qu'il va vouloir l'intégrer dans un groupe. Puis les seules personnes qui sont dans son groupe, c'est juste des Noirs. Mais des Noirs qui cherchent vraiment à devenir des personnes bien, à vraiment vouloir retrouver la société de manière normale. Mais déjà, le jeune, lui, en partant, il est super raciste en plus. Fait que c'est comme vraiment un gros défi, mais l'évolution qu'on va voir au fur et à mesure du jeune, c'est vraiment super génial. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un film poignant. C'est drôle, hein, parce que les films de prison, ça finit par se bâtir des codes. T'sais, on en retrouve les mêmes genres de clichés dans les films de prison. C'est devenu quasiment un peu redondant puis difficile de se renouveler. Et je dirais pas que celui-là, il se renouve. On est quand même en terrain connu qu'on a déjà vu la plupart des films. Mais comme je dis, ce qui le démarque, c'est vraiment la relation père-fils qu'il va avoir tout au long du film, qui est vraiment intéressant. C'est comme il va découvrir en prison que son père il est gay, finalement. Puis il y a vraiment plein de conflits, de trucs qui vont venir mettre en doute plusieurs choses de ses valeurs. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est bien écrit. Les deux acteurs sont vraiment écœurants. Je les connaissais aucunement. Mais c'est vraiment un drame poignant qui est venu me secouer. Puis si vous êtes amateur de films de prison, ben je vous le recommande fortement. Ça a vraiment été une belle découverte pour moi. Il est recommandé fresh sur Rotten Tomato. Puis il est facilement trouvable en DVD à 9,99 sur Amazon ou même dans les Vidéotron. Moi, je l'ai trouvé pour 6$. Fait que honnêtement, c'est un achat. Je le regrette vraiment pas. Ça donne vraiment le goût, en tout cas, ta description, là. Puis je crois qu'il est sur Netflix. Je dis tout le temps ça, puis des fois, c'est pas là, mais tu checkeras, je pense qu'il est là, puis je te conseille fortement, Jeff. Veux-tu faire comme David a dit, puis les plis? C'était Red? Oui, gars, bonne idée. Merci, merci David. STARRED espace UP. Fait que est-ce okay. que je l'ai bien dit? Je pense que oui. Stare up? Stare ouais. up? Ouais. OK. Stare up. OK. Ben... J'avais complètement oublié d'en parler, puis ça m'est revenu. J'ai vu en fin de semaine le spécial de Noël de Bill Murray. Ah, je voulais le voir. Qui est apparu le vendredi le 4. Je l'ai écouté samedi le 5. Et son cœur à part, là. Mais c'est bizarre. C'est premièrement mal filmé, selon moi. Pourtant, c'est Sofia Coppola, mais je l'ai juste vu à la fin que c'est Sofia Coppola. Ouais. Je trouvais que ça avait l'air cheap à la mort. Puis le rythme au début est super lent. Puis après 10 minutes, j'étais comme, ben, j'ai hâte qu'il se passe de quoi là. J'ai hâte qu'il s'aboutisse à quelque chose. La bonne chose qui sauve un peu la truc, c'est les performances musicales. Puis encore là, quand Bill Murray chante, ben, on dirait que c'est un chien qui chante. Là, qui c'est Bill Murray qui chante. Là, c'est pas un chanteur. Déjà, le concept à la base d'avoir un spécial de Noël de Bill Murray, qui chante des tunes un peu comme Frank Sinatra l'aurait fait ou quelque chose, mais il n'y a pas du tout le talent de Sinatra ou même d'un Dean Martin, ou peu importe. T'sais. C'est bizarre de faire un spécial autour de Bill Murray qui chante, parce que c'est pas un chanteur, c'est pas un gars qui a une belle voix. T'sais. C'est quoi son background par rapport à Noël, à part Scrooge, puis c'est déjà gros, mais à part ça, c'est quoi son lien avec Noël? Pourquoi Bill Murray à Noël, en tout cas? C'est juste gros what the fuck. Puis c'est lui qui est comme... pogné dans un hôtel alors qu'il est supposé faire son spécial de Noël, mais il n'y a comme plus de courant nulle part dans la ville, c'est à New York, puis il n'y a comme personne pour qui est venu le voir, puis ses invités ne sont pas là parce qu'il y a une grosse tempête, puis tout, puis je pense qu'il n'y a plus vraiment d'électricité ou quelque chose de genre, puis il n'y a comme personne qui peut le voir anyway, puis ça ne tente plus de faire le spécial, puis il va finir par se ramasser dans le lobby de l'hôtel ou dans du genre de lounge où il va pouvoir chanter des tunes avec les cuisiniers. Les cuisiniers qui sont le groupe français Phoenix, groupe de musique, puis différentes personnes jouées par des acteurs comme Maya Rudolph, comme... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ça va me revenir? Non, ça ne me revient pas. Il y en a une que j'oublie. Tu as Jason Schwartzman. Il y a Miley Cyrus, non? Miley Cyrus, mais ça, c'est plus tard. Okay. Dans l'hôtel, tu as... ma préférée, c'est la chanteuse Jenny Lewis. J'étais déjà un gros fan, puis je suis très content qu'il donne beaucoup de place, mais elle n'est pas beaucoup dans la promo du show parce qu'elle n'est pas super connue. Mais c'est dommage parce que Jenny Lewis, tout le monde l'a vu, elle est dans le film The Wizard avec Fred Savage. Là, c'est la petite rousse qui est avec lui. Puis c'est une estime bonne chanteuse. Ça fait genre 7-8 ans qu'elle a une carrière. Ben, même plus que ça, ça fait genre 10-15 ans. Je pense qu'elle a une carrière de musicale, mais 7-8 ans qu'elle a une carrière solo. Puis elle est vraiment très, très bonne. Puis elle chante en masse là-dedans. T'as Maya Rudolph, que je l'ai dit, qui chante. T'as le gars qui fait le fantôme des Noël passés dans Scrooge, qui est là-dedans. T'as différentes personnes comme ça. C'est vraiment intéressant pour ça, pour voir les différents caméos et tout. Puis, à un moment donné, t'as une séquence où ce que Bill Murray va comme s'évanouir parce qu'il a trop pris d'alcool. Puis, il va avoir une séquence de rêve avec Miley Cyrus puis George Clooney, qui est vraiment what the fuck aussi comme scène. Tu sais, puis... Mais c'est ça, tu as ce feeling bizarre de « qu'est-ce que je suis en train de regarder là? » Puis « c'est quoi le rapport? » Puis hein, « je comprends pas. » Puis c'est supposé te mettre dans le mood de Noël. En même temps, tu te demandes tout le long, « mais niaises-tu? C'est-tu? Je suis supposé regarder ça vraiment, tu sais, mettons le 24 au soir, puis être dans le mood, ben, être déprimé, ou je sais pas quoi penser, pas en tout. Ma blonde Caroline a trouvé ça bien ordinaire, puis... Mais moi, je suis comme. Puis moi aussi, un peu, tu sais, j'étais comme. J'essaie d'aimer ça parce que c'est Bill Murray, mais. T'as pété un peu ma balloune parce que moi, j'avais vu le trailer, j'étais comme, ça va être le fun, je sais pas, ben j'ai l'impression que ça va vraiment être divertissant. Mais puis... toute la. Tu sais, dans le trailer, tu vois surtout la passe dans... avec le décor blanc, le piano, puis tout. Puis... Ouais. Ça se passe surtout dans l'hôtel. Cette séquence-là dure genre 20 minutes à la fin, l'affaire blanche. Là, mais là, c'est l'hôtel, puis c'est sombre, c'est filmé tout sombre. Puis on dirait que ça n'a pas l'air d'un film de Coppola, de Sofia Coppola. Ça a l'air de... Ah, je sais pas, c'est weird. La musique, pour ceux qui connaissent, c'est Paul Schaeffer, qui était l'ancien chef d'orchestre de Letterman, qui est là avec lui, avec Bill Murray, qui fait la musique, qui fait le pianiste. Sinon, qui d'autre qui est là-dedans aussi? C'est ça, j'oublie. Merde, comment est-ce qu'elle s'appelle, la fille? J'ai l'air d'avoir vraiment plein de caméos. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y en a une que, particulièrement que j'oublie. Et ça me fait chier parce qu'elle est relativement connue. Mais en tout cas, mais c'est ça, c'est Rashida Jones. Ceux qui la connaissent, là, Rashida Jones est connue. Fait que c'est elle que j'oubliais. Puis, non, sur ça, moi, je le recommande pas vraiment. En même temps, c'est pas tellement long, fait que c'est 56 minutes, je pense. Fait que c'est pas. C'est au pire, c'est pas si long que ça, c'est pas si grave que ça. Mais si vous voulez vraiment absolument le voir, regardez-le. Moi, j'en suis pas mort, là, c'est correct. Ouais. Mais, c'est pas. Je sais pas. Il y a sûrement mieux que ça comme spécial de Noël. Là, c'est une expérience curieuse. Là, c'est vraiment bizarre. Je sais pas trop quoi en penser. Ah, je vois ça, là. Ça m'intrigue, vu que t'as quasiment l'air traumatisé. Ben, pas traumatisé, juste étonné. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est quoi la genèse de ce projet-là? Qu'est-ce qui. Ah non, c'est ça, David, il dit rien qui va topper le spécial de Noël de Star Wars. Ça, c'est clair. Mais tu sais, le spécial de Noël de Star Wars, c'est tellement. Je l'ai vu quasiment 10 fois, tu sais, au complet, ça dure 2 heures. Puis, sérieusement, j'ai dû le voir dans ma vie au moins 10 fois, le spécial de Noël. Puis c'est de la grosse marde. Mais. J'ai du fun avec ça, tu sais, plus que le spécial de je l'ai jamais vu, moi. Je sais pas c'est quoi ce fameux spécial de Noël de Star Wars. Ah, faut que tu vois ça une fois dans j'ai ta vie. J'ai aucune idée c'est quoi. Tu vas te frapper à la tête d'un mur, je pense. Puis, qu'est-ce que je voulais rajouter? Mais c'est brun. C'est comme mon gros dit, c'est brun. Ça sent mauvais, c'est pas juste brun, ça sent mauvais. Puis, après le spécial de Noël de Bill Murray, je me suis tapé Scrooge. Ça faisait quelques années, je ne l'avais pas vu. Là. C'est bon. Ah, t'es revenu. T'as plus, je peux enlever mon image. Ouais. Mais vraiment, moi, je viens juste de terminer tout à l'heure Scrooge. Puis, puis c'est drôle parce que ma blonde l'a commencé avec moi. Puis ma blonde, c'est pas une fan de Scrooge. Elle l'a déjà vu une fois, mais elle n'a pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Je l'ai vu pour la première fois en 88 ou 89 en VHS, probablement. Puis. Ça, je le regarde un peu avec elle, puis à un moment donné, elle va se coucher. Il était rendu tard, puis là, je l'ai fini tout seul, j'étais sur le divan, puis j'avais mis mes écouteurs pour la déranger, puis tout. Puis dans les dernières 20 minutes, j'avais grosse larme aussi. J'étais comme, voyons, c'est déjà vu 1 million de fois, je le connais par cœur, puis je broyais, tu sais. Juste pour les passes avec son frère, sur tous les speeches qu'il fait avec son frère, puis tout. Puis ça me touche tout le temps, tu sais. Puis, ah non, ça vient tout le temps me chercher, cette finale-là. Puis, c'est cheesy à mort, là, quand tu regardes ça vraiment d'un œil objectif, tu fais « Ah, c'est cheesy au bout! » Mais ça marche. Mais ça marche, tu sais. Bill Murray est juste bon, puis là, c'est juste ça. Ça tire ses bonnes cordes, ça appuie ses bons boutons, ça marche. La magie de Noël. Mm. Puis en même temps, ça a l'air que dans les trivia que j'ai lus, il a détesté ce tournage-là, tu sais. Et ça paraît ouais, ça paraît pas à l'écran, mais il a détesté travailler avec Richard Donner. OK, ouais, ça m'étonne. Oui. Je voyais Noël des pierres à feu. Ouais, c'est vrai, mais il me semble qu'il y en a un qui jouait Noël des pierres à feu. Oui. Ben, il a joué Noël de quasiment. Il y a des spéciaux de Noël de toutes. Hein. Ouais, de toutes, ouais. C'est pas tout mauvais, il y en a des bons. T'sais, je n'ai parlé il y a quelques mois, là, j'ai terminé d'écouter la série Bewitch il y a peut-être 2 mois ou 1 mois de ça. Puis il y avait dans toute la série. Ils ont fait sur 8 saisons, ils ont peut-être fait 6 ou 7 épisodes de Noël. Là, ouais. Mm. Même Black Mirror, dont je parlais au début de l'épisode, la série, ben, je parlais tantôt de la série britannique que je trouve que je recommande à tout le monde. Elle a un épisode de Noël de 2 heures avec John Hamm de Mad Men, puis ça vaut vraiment la peine. Pis, Mais même X5 a un épisode de Noël dans mes souvenirs. Ah, non, ils ont plusieurs, ils ont 2 ou 3, ouais. Je pense. Ça, je me dis. Mm. C'est pas mal. Moi, j'ai fait le tour. Non, c'est ça. J'ai pas mal fait le tour. Okay. Que toi, tu travailles le matin de bonne heure, puis... Ouais, mais... C'est... T'as du fun? Ouais, j'ai du fun. C'est ça qui arrive, hein? Un coup que le fun est pogné, là, puis j'ai même pas besoin d'alcool. J'étais encore avec mon chocolat chaud qui est rendu tellement froid. Moi, j'ai tout le temps l'air d'un alcoolique, mais c'est les seules bières que je bois quand on fait des épisodes de même. J'ai tout le temps de bière, mais j'en bois jamais, sinon le 3/4 du temps, là. Chief, si t'as un problème, moi, tu peux nous en parler. Là. On peut régler ça. Là. Non, je vais acheter quelques bouteilles des fois et des canettes, mais j'attends pour les podcasts. Tu sais. Ben, en tout cas, j'allais juste dire, je sais pas si vous avez écouté le dernier Horror Gamer qu'on a fait. Il est sorti ce soir vers 6-7 heures. Puis, c'était sur les films Motel Hell puis Thanksgiving. Je vous invite à aller écouter ça si c'est pas fait. C'est sur horrorgamer.ca. Un petit épisode court, pareil, 1h12. C'est d'habitude, on est habitué à être dans le 1h30 d'habitude. Oui, c'est correct. C'est fun pour les auditeurs de pas se taper trop longtemps non plus. S'ils ont d'autres podcasts à écouter. Hein. Ouais, ben j'aime pas ça que c'est trop long. Je sais bien qu'ils peuvent l'écouter en 2 parties. Ou même moi, j'ai pris l'habitude maintenant d'écouter les podcasts en mon boulot parce que des fois, je suis dans un coin dans la cuisine en train de préparer la bouffe, puis je vais juste mettre un podcast, j'écoute des podcasts d'horreur web. Là, j'ai commencé à écouter une couple de Movie Crypt, à recommencer, parce qu'il y avait des réalisateurs et des invités intéressants qui me tentaient dans les derniers épisodes. Oui. J'aimais bien ça. Puis là, avec le RZO, ben là, je vais essayer d'autres podcasts en même temps. Là. Fait que ça aussi, c'est cool. David dit, j'ai l'air d'un alcoolique avec mes 3 caisses les 3 caisses de 6 vides qui traînent chez moi, mais elle date de 3 mois la plus récente. Moi, les seuls moments que j'étais vraiment alcoolique, honnêtement, c'est quand Sylvain venait. Parce que quand Sylvain vient, ben, tu peux pas être alcoolique. Là. C'est comme 3 bouteilles de vin avec de la bière, puis des films, puis de la bonne bouffe. Puis c'est tellement le fun. David, tu vas en avoir un autre épisode d'Horror Gamer très bientôt. On tourne l'épisode de Noël cette semaine, ce dimanche. Oui, dimanche prochain. On fait une grande nouveauté. Puis si vous voulez être sûr de ne pas être de trop en savoir sur le film, allez le voir avant d'écouter l'épisode. Ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, moi, je vous conseille d'aller vous faire votre propre opinion puis d'aller voir Krampus au cinéma. Encouragez le cinéma d'horreur, petit film de 15 millions, qui est numéro 2 box-office. Fait qu'en tant que tel, il marche super bien en ce moment. Puis je suis vraiment content. Puis, tu parlais de l'alcool, puis de Sylvain, tout ça. Puis à un moment donné, il va falloir que nous autres, les gens ne le savent peut-être pas, mais on s'est juste vu une seule fois dans la vraie vie, toi puis moi. Juste pour notre fameuse photo où on fait le bras de fer, là, tu sais. Mais je l'aime tellement, cette photo-là. Ouais, mais il faudrait, à un moment donné, il faut organiser d'autres choses. Puis il faudrait faire un épisode en personne, soit live ou quelque chose, de juste faire j'aimerais vraiment ça, là. Et je ne sais pas si un jour on ferait ça devant un public. Il y a plusieurs affaires, des épisodes live qui se font des podcasts live. Tu sais, je sais pas comment est-ce que je serais. Là, je serais super nerveux puis tout. Puis, mais ça serait drôle. Ça pourrait être drôle à un moment donné. Ouais, en tout cas, juste faire de quoi nous deux ensemble, tu sais, en personne. Là. Ouais. Hey, David Michaud, à toutes les fois, tu es comme j'ai pas pu acheter Turbo Kid aujourd'hui. Il n'y a pas de magasin. J'ai dû commander. Là, tu peux pas aller voir Krampus parce qu'il n'y a pas de cinéma. Coudonc, je sais pas où tu habites, mais déménage. T'es dans un trou perdu qui a rien, ça doit être ennuyeux. Tu sais. Tu peux voir aucun film au cinéma, je sais pas comment tu fais. suis vraiment curieux de ça. Il va me dire, nommer une place, puis je vais être comme... Je te comprends finalement, c'est cool d'habiter là. Parce que j'ai écouté, l'épisode 4 de Star Wars hier. Je suis bien moi. J'ai écouté l'épisode 4 de Star Wars hier, puis il disait, tu sais, dans Luke Manet dit, si un point central de l'univers, on est à la place la plus éloignée de ce point-là. Non, je suis d'accord. Chibougamau, même à météo, souvent, ils essaient d'éviter de parler de Chibougamau. Fait que c'est juste pour te dire à quel point c'est un coin perdu. Mais Chibougamau, je suis jamais allé. Sais-tu... je sais pas comment ça se compare, mettons, à d'où ce que je viens, à Jonquière, puis le Saguenay, puis tout ça. Ben, y a-tu des cinémas ou des magasins là-bas? Dans la ville de Jonquière, t'as un cinéma de deux salles. T'as-tu un Walmart ou de quoi de même? Il y avait un Walmart, mais ça a fait les manchettes il y a 10-12 ans quand ils ont fermé parce que les employés se sont syndiqués, puis ils ont tout de suite fermé, puis ça a été un gros... ça a fait des manchettes partout au Québec, puis en parlant encore il n'y a pas si longtemps que ça, parce que le cas n'était pas tout à fait réglé, là. Tu sais, il dit, David dit, tu sais, ici on ramasse des restants des danseuses de l'Abitibi. C'est petit en salle, genre 8 000 habitants. Non, ok, c'est beau. Ah, c'est vraiment petit, ok. Je suis né à Jonquière, c'était 75 000 personnes, je pense. Ah, c'est fou. Puis là où j'habite en ce moment. À Gatineau, c'est quand même petit aussi, on est comme 320 000. Ouais, c'est quand même pas super. Oh, ouais, je rigole. C'est un peu plus petit que Québec, mais. Ben, c'est vraiment plus grand de où je viens. Là. D'habitude, moi, je suis habitué à mon petit 23 000 de l'Assomption, là. OK. Ça, Jonquière, c'est 75 ou quelque chose comme ça. Puis où ce que je suis en ce moment, c'est en Ontario, c'est Peterborough. Puis on est 82 000, je pense. C'est pas tellement plus gros que Jonquière. Oh. Je suis pas trop dépaysé. Mais quoi que je préfère Montréal. J'aime les grandes villes. J'ai passé plus d'un an à Montréal, puis je m'ennuie de Montréal un peu, mais c'est correct, je suis habitué, là. Je te comprends, David, vu que toute ta famille est là, c'est un petit peu normal que tu sois là. Gars, moi, je suis parti loin de ma famille pour venir à Gatineau, puis... Même si c'est juste 2 heures de route, ça se fait bien, mais je m'ennuie pareil. Là. C'est quand même difficile quand t'es loin de ta famille, puis de tes amis, puis tout ça. On va mettre un peu d'émotion au bras de faire des films. Ouais. Le bras de faire des chuchotes. Non, c'est pas vrai. Ben merci, David. Tu nous as dit bonne soirée. Je t'ai pas répondu. Merci, David. Ben merci, tout le monde. Tout le monde. Bonne soirée, merci d'avoir été là. Vous avez été très actifs avec les commentaires. Bon, c'était vraiment une belle soirée. Vraiment 11h30, puis tout le monde est encore là, c'est cool. Ouais, vraiment le fun. Mais oui, bonne soirée tout le monde. On ne va pas vous retarder plus longtemps. Et on fera ça bientôt. Oui, évidemment. Bon, ben, bye bye. Bye bye. Greta Garbo is probably crying while Robert Taylor is locked in her dying embrace. Chico and Groucho and Chaplin and Lloyd are all super. Sweet Mickey Mouse, Shirley Temple and dear Jackie Let's Cooper. Let's go to the movies. Let's go see the stars. Sitting in the darkness, popcorn on your knee, give the maid the night off. Turn the kitchen light off. Let's go to the Sorry.